Allume-toi une garo, pose tes fesses et commence à réfléchir à ce que je vais dire. Ton propre daron va hésiter à clamser pour toi, ouais, boulos. Je vais te l'avouer, ma paranoïa me détruit. Je me méfie de mon propre geek tellement je vais pas me faire enculer. Check-moi, vas-y, recheck. Bien ou quoi, vieux? Ça fera pas toi l'enfoiré le plus fiable à mes yeux. L'aide familiale abondante fait grève. Écoute, putain, HLM, ont déjà fait leur preuve. Putain, ma gueule, moi je comprends toujours pas que t'es rien dans une tête aussi grosse. On partage pas son cercueil, on n'est pas dans le freine. Les délires, les fumées de joint, la protection mutuelle, les clics temporairement, les lois du destin individuel. 23 piges et après, qui veut blanchir son shit dans un fast-food? Qui veut se braquer une société générale? Qui veut se marier? Qui va vouloir être sérieux dans son taf? Qui va se mettre bien dans la prière? Qui? C'est pas la question. La vraie question, c'est quand que l'heure va sonner pour que t'anticipes l'autonomie relationnelle. Malcolm X, l'œil dans le cul, va vouloir aider tout le monde. J'en ai baisé ma télécommande. Ça veut rien dire que tu sois hal quand ça se tape. C'est rame, ça lève, tenant, tenant. Tu le fais, c'est que je l'ai fait, point barre. On va te donner à manger au yen. T'es là pour les plans fous. Tu béou quand ça devient flou. Je peux pas te forcer à voir, fous mal à ma place. Me le dis pas, je le sais. Laisse-moi seul, l'amitié éphémère, c'est de la merde. Ton cinéma, ton hypocrisie me tue, je te le dis. Remets ce morceau au début, mes pauses. Réunis 3-4 poteaux, mes blagues. Observe, le premier qui tousse, sors-le ta life. C'est une réaction qui trahit l'imposture. Cherche la qualité, pas la quantité, face de cul. Vas-y, calme mon gars, mets-toi en danger. Je vais t'envoyer faire un scrabble avec Gainsbourg. Même si il m'aurait pas vengé. Rien n'est jamais trop beau. La plus charmante actrice au festival de Cannes aura toujours un peu de merde sur son anus. La loyauté, les sauces d'enfance n'y échappent pas. C'est obligé. Y'a une carotte quelque part. Tu me prends pour qui? Y'a pas écrit te baisse sur mon front, cousin. Trafic de stupes, ça a jamais créé des liens imbrisables. Quand t'es au ballon, tes assos claquent leur forfait sur des salopes pas mal. C'est mieux prendre des news de ta mama. Où t'as de la ra dans les yeux. Où tu joues bien le jeu de la diversion. Bluff ou lâche, t'aimes comme un frère. 2000€ et 5, y'a plus de poteau, c'est mort. Tu vas avoir des morts, de chacal sa mère. Y'a des traîtres partout ignorants. Tu vas le savoir, un de ces quatre, quand les condés vont venir retourner. Même la chambre de tes rampes. À 5 du mat, bête de boucan. Toi comme un con, à demander qui t'a poucave. Ce soir, je reste devant mon pro-évolution soccer. Je bouge pas avec les opportunités. Je peux pas te forcer à voir mal à ma place. Me le dis pas, je le sais. Laisse-moi seul, l'amitié éphémère, c'est de la merde. Ton cinéma, ton hypocrisie me tue, je te le dis. Fais-moi plaisir, n'aie pas la mémoire courte. Quand le docteur t'a arraché à ta mère, t'étais seul, tu seras inhumé seul. Une ex m'a dit, du respect s'il te plaît. Aucun de tes potes n'est capable d'aller chier ton fils aux toilettes. Demande à Tony ce qu'il pense de Manny. Demande à Dieudo ce qu'il pense d'Eli. Gros, c'est bordélique. Ta peau te prend d'une pastose pour un gars ou te faire balafrer la joue. Si tu claques, demain il fera jour. En Seine-Saint-Denis, on dit tu veux garder tes sauces, reste un foireux. Tu veux te faire des ennemis, ben sors de la dèche avant eux. Eh oui, c'est valable pour certains frangins et cousins. Demande à JR et Wing. L'ambition débordante, ta vie en couple, ta team. Cherche pas, c'est même pas la peine, tu seras jamais compatible. Amitié prolongée, déception retardée. Moi gratter l'amitié, pff, tu m'as bien regardé.